Mercredi 19h-19h30, Made in Fadjet, l'émission des émissions de Fadjet. Bonsoir et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile ce qui se cache derrière le titre de vos émissions préférées et qui vous emmène chaque semaine à la découverte d'un programme de Fadjet et de son ou ses animateurs. Alors, l'émission que nous allons découvrir ce soir, pour vous donner déjà quelques petits indices, se déroule en direct, ça c'est très important, tous les jeudis de 17h30 à 18h. Et son animateur se prénomme Gaël, alors là, super indice, et il est là dans nos studios ce soir avec moi. Bonsoir Gaël. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Tu vas bien ? Très bien, on ne peut mieux. On ne peut mieux. Quand on est dans le studio de Fadjet, ça on va est bien. Toujours bien. Hein. Exactement. Donc, j'ai déjà donné deux indices super, voire trois. Trois indices super importants. Mais comment est-ce que toi, tu pourrais présenter ton émission sans en donner le titre tout de suite pour que nos auditeurs continuent un petit peu à chercher derrière leur transistor ? Alors, sans donner le titre, je dirais découverte musicale, je dirais éclectisme, je dirais curiosité et je dirais quelquefois... vinyle. J'aime dire vinyle. Alors là, franchement, je crois que vous avez tous les indices, ou presque, mais si vous n'avez toujours pas trouvé, eh ben on vous propose ceci. Quand vous achetez un album, vous cherchez au-delà des tubes. Quand vous assistez à un concert, vous appréciez les chansons inconnues. Naguère, quand vous achetiez des 45 tours, vous retourniez volontiers le disque. Alors cette émission est faite pour vous. Des chansons d'albums, des faces B de 45 tours, des lives inattendus, des mégamix, des tubes tombés dans l'oubli, des reprises élégantes. Retrouvez tout ça dans Face Bis, l'émission des chansons qui gagnent à être connues ou reconnues, tous les jeudis de 17h30 à 18h avec Gaël sur Fadjet. Face Bis, c'est l'émission du soir. Oui, celle qui fait du bien aux oreilles. Exactement. Alors, tu nous as donné plein d'indices tout à l'heure, donc vinyle, album, éclectisme, voilà. Alors, tu es plutôt jeune. Tu oui, as quel âge, Gaël ? 34 ans. Ouais, donc encore. Je n'ai pas de fausse modestie, 34 ans. Encore jeune. Oui. Et alors, d'où te vient cette passion pour le vinyle, les faces B, les chanteurs qu'on n'entend pas beaucoup ? Parce que c'est un petit peu aussi le concept de l'émission. J'ai toujours été très curieux sur la musique. Et ce qui est intéressant, c'est que mon premier 45 tours n'avait l'air de rien. C'est même affreux, je vais le confesser ici. C'était bien pour un petit coup à la maison de licence 4, j'avais 6 ans. Mm-hmm. Et c'est moins la musique, ça tout le monde pourra s'en rendre compte, que l'objet qui me plaisait, qui me plaît toujours, c'est cet objet un peu... étrange, qu'on voit partout, qu'on voyait partout à l'époque, mmh. qui revient, qui me plaisait énormément parce que de ce petit objet qui fait 17-18 cm sortait des sons extraordinaires de la musique qu'on ne pouvait pas connaître forcément, surtout à l'âge-là, surtout à 6-7 ans. Et les premiers vinyles que j'ai eus, dont outre cette œuvre impérissable magnifique. Qui était... Bravo les parents de Gaël, ouais, commencer à faire écouter à son enfant ce style de musique. Hein. Et là, tout d'un coup, ça a vrillé sur l'ensemble de mes goûts musicaux juste après. J'ai récupéré beaucoup de choses chez ma grand-mère, par exemple, des 45 tours... De mes deux grand-mères respectives, mmh. où tout à coup, oui, je découvrais la face A, comme beaucoup, on s'accroche à ça. Et puis très tôt, j'ai commencé à également écouter beaucoup ce qui se passait derrière le disque. Mais oui, parce qu'à l'époque, on pouvait le retourner. On pouvait le retourner. Alors, soit on était pas extraordinaire du côté d'inventivité, c'était de l'instrumental, ce qui a été beaucoup le cas dans les années 80, soit il y avait des chansons d'albums dessus, et quelquefois... souvent même, dans ce que j'avais, la chanson de la face B était beaucoup plus intéressante que la chanson de la face A. Et l'objet est devenu une vraie passion. Je suis arrivé à un âge où mon argent de poche pouvait me permettre d'en acheter à un moment où les 45 tours étaient en train de disparaître, donc autour de l'année 92, puisque le 45 tours a disparu en 93. Mmh. Et là... objet de collection maintenant. C'est de la collection. Ceux qui sont sortis en 92-93, la plupart du temps, quand ils sont propres, sont assez chers. Et puis, j'ai commencé à faire les brocantes, puisque du coup, on ne pouvait plus en trouver dans le commerce. Mm-hmm. Et là, j'ai commencé une collection qui s'élève à beaucoup maintenant. C'est vrai. Je suis à 4300 et quelques. Ah oui, ça prend de la place hein, dans un appartement. C'est une horreur. Ça prend énormément de place. Quand on est passionné, il faut assumer. Ah là, le séjour est plein. C'est pas compliqué. D'accord. On va on va acheter un petit garage, je sais pas, mais il faut les mettre ailleurs. Et c'est vraiment, tu tiens tous ces 45 tours-là. Tous ces vinyles que tu as chez toi, tu pourrais pas t'en séparer. Non, tous sans exception. Que ce soit des choses un peu effrayantes, ça va de la danse des canards à des choses beaucoup plus subtiles, dirons-nous. Mm-hmm. Et ça va dans toutes les époques. Souvent, on me demande qu'est-ce que tu collectionnes en priorité. J'ai pas vraiment de priorité. Mon plus vieux 45 tours doit dater du début des années 50. Jusqu'à, j'en ai très peu parce que je trouve que la qualité n'a strictement plus rien à voir, jusqu'à ce des choses qui peuvent sortir encore, encore aujourd'hui avec un son MP3. Bon, voilà, c'est du son MP3, il n'y a pas de souffle, il n'y a rien, mais il y a le support vinyle qui est présent. Et ce que j'aime bien dans l'objet, c'est aussi ce trou large pour le 45 tours qui n'existe plus aujourd'hui, puisque les gens ont perdu les centreurs, et donc les 45 tours qui sortent beaucoup aujourd'hui sont les 45 tours avec des trous de 33 tours, et c'est pas la même magie. Ça change tout. Parce qu'il fallait effectivement chercher le petit bidule qui se mettait au milieu pour pouvoir écouter son 45 tours. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, les jeunes en particulier, qui se disent mais de quoi ils nous causent. Oula. Voilà, qui n'ont peut-être jamais vu de 45 tours de leur vie. Donc toi, vraiment passionné de l'objet, vinyle, et puis aussi de ce qui se cache aussi derrière un tube ou derrière un chanteur très connu. Il y a peut-être des choses moins connues qui sont tout aussi bonnes. Tout à fait. Et souvent, malheureusement, qui ne sont pas publiées ou écoutées ou diffusées. C'est ça, c'est des chansons d'albums la plupart du temps qui remplissaient les face B de 45 tours. Des albums qui sont beaucoup vendus, donc les gens les achetaient la plupart du temps pour les singles qui étaient sortis à l'époque. Et puis laissaient dérouler comme on le fait aujourd'hui quand on a maintenant avec les MP3, on fait une playlist et puis c'est parti, on n'écoute pas forcément. Et avec face B, l'idée c'était aussi que les gens retrouvent, on va dire, des titres, écoutent et se disent « Ah ouais, ça, j'ai bien connu ça à l'époque, j'aimais bien cette chanson-là, sur un 33 tours. » Et je pourrais citer plein d'exemples de 45 tours où le coup de foudre n'a pas été du tout sur cette face A. Je pense à un 45 tours de William Scheller qui s'appelle « Je ne me gênerai pas pour dire que je t'aime encore », qui est une très bonne chanson, mais la face B, qui est « Les petites filles modèles », pour moi, que j'ai passé, je crois, dans la toute première émission ou la deuxième, pour moi, une des plus belles chansons de William Scheller, il y a quelque chose de désabusé là-dedans, qui me parle énormément, et il y a énormément de choses comme ça, d'autant plus que la plupart du temps, enfin quelquefois, sur la face B, on est sur un autre registre que le registre attendu par l'interprète en question, et ça permet des découvertes tout à fait surprenantes. Voilà, l'artiste ose peut-être des choses en face B qu'il n'ose pas en face A, enfin sur une face A qu'il n'osait pas, puisqu'il fallait que ça marche la face A et la face B peu moins. C'est moins commercial, et donc tout d'un coup on se lâche un tout petit peu plus, et c'est un bonheur. Ok, donc si nos auditeurs ont envie de découvrir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. En gros, ça pourrait être le slogan de Face Bis. Tout à fait. C'est venez retrouver Gaël tous les jeudis à 17h30 sur l'antenne de Fadjet. Venez nous rejoindre, c'est ça. Voilà, donc c'est un peu le concept de Face Bis. C'est ça. Alors, tu n'en es pas à ta première émission sur Fadjet. Oh que non. Oh que non. Oh là là. Parce que là, on a parlé de un petit peu de ton histoire d'amour avec le vinyle. Fadjet, c'est un petit peu ça aussi. Tout à fait. La radio, c'est... C'est voilà, une histoire d'amour. Tu l'as rencontré il y a quand même quelques années maintenant. C'était en fin 2001. À l'époque, à l'époque, c'était Bernard Albert qui était le directeur des programmes. Ouais, et je lui ai un petit coucou à Bernard, bien sûr. Et je lui ai envoyé un mail à l'époque pour lui dire que voilà, la radio c'était vraiment une passion, que j'avais envie d'en faire, j'en avais jamais fait jusque-là, que c'était quelque chose qui me portait et que j'avais envie de proposer mes services à la radio. Je savais pas trop comment ça fonctionnait, radio associative, je connaissais de nom mais point, j'en savais pas plus. Bernard m'a répondu gentiment, m'a invité à venir à Fadjet, on a discuté et je me suis retrouvé catapulté Miss Météo dans 94 de service compris. Non. C'était beau. Et je suis arrivé. On commence par la matinale. Exactement. Quand on arrive. Oui. On fait ses armes. Mm-hmm. Et je suis arrivé le 6 décembre 2001, jour de la Saint-Nicolas, où un pauvre stagiaire a été obligé de chanter la chanson de Saint-Nicolas, menacé par mon copain Stéphane Pigato, que je salue aussi. Ben voilà. Donc j'étais content de ne pas être stagiaire. Et puis, du coup, ça t'a marqué, hein, parce que tu te rappelles des moindres détails. Bah oui, c'était la première en radio, ça marque aussi. C'est le stress. Tu avais toi aussi des émissions radio que tu écoutais et qui t'intéressaient avant de venir ici, sur d'autres radios. Sur d'autres radios, oui, moi j'ai une passion immodérée pour ce qu'a été Stop ou Encore dans les années 90 avec le PERS, où il y avait cette espèce de choix démocratique qui n'existe plus à l'heure qu'il est sur cette antenne, sur l'antenne d'RTL, j'entends, où c'est bouffé par la pub. Et là, il y avait un espace qui allait entre 9h15 et 13h, où on pouvait écouter ce qu'on voulait, ça s'arrêtait quand on avait envie que ça s'arrête. Et ça, je trouvais ça magique. Le top 50 de Marc Toesca, évidemment. J'ai commencé très tôt à écouter la radio. Je devais avoir 8-9 ans quand j'ai eu mon premier poste. Et j'écoutais ça avec de l'émerveillement. Et puis, dans l'adolescence, ça a été la période Skyrock avant le rap, avec Super Nana, avec Frédérico. C'était des choses qui me plaisaient énormément. Et de manière générale, c'est vrai que l'antenne d'RTL me plaisait. Donc là aussi, des émissions qui t'ont peut-être aussi donné envie, toi aussi, de faire de la radio à un moment donné. Je pensais à Saga également de Georges Lang, qui est une émission formidable, qui n'existe plus aujourd'hui et qui, mine de rien, a été aussi ma première émission à moi sur Fadjet, puisque je l'avais plagié honteusement. Ça s'appelait Life is Life à l'époque. D'accord. Et donc, voilà, toute une histoire aussi sur l'antenne de Fadjet et vraiment une histoire aussi musicale, parce que ça a souvent été tes propres émissions. Oui. Sont vraiment tournées autour de ce concept-là, de faire découvrir des artistes méconnus ou oubliés, hein, c'est ça, et, ou de faire découvrir en fait des œuvres qui n'étaient pas du tout, qu'on n'entendait pas beaucoup. Hein, c'est ça. On a toujours tourné un petit peu dans ces concepts-là, soit seul, soit avec d'autres animateurs avec moi. Et ce qui est génial sur l'antenne de Fadjet, c'est qu'on a cette possibilité-là de pouvoir diffuser ce qu'on a envie. On est maître à bord et on choisit les chansons qu'on aime, même si elles sont pas connues. C'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'on a cette surtout vraie liberté. Surtout si elles sont pas connues. Surtout si elles on sont pas connues. Aussi, hein, taper dans le tube perpétuellement, c'est sympa, mais arriver à se poser, là par exemple sur une demi-heure de Fast Bis, qui est un très bon format, parce que effectivement les gens ne peuvent pas, j'ai envie de dire, prennent l'émission en route, et puis je pense qu'en une demi-heure on lâche pas forcément l'émission, puis on prend, j'espère, en tout cas je l'espère sincèrement, les gens prennent du plaisir à retrouver souvent des chanteurs connus avec des titres inconnus. Ça m'arrive aussi quelquefois de déterrer entre guillemets certains artistes que tout le monde a oublié, mais c'est ça qui est plaisant. C'est et puis je le fais dans la vie quotidienne avec mes amis ou avec ma famille. Je leur fais écouter des musiques qui sont pas forcément des choses connues, parce que moi tout d'un coup ça m'a plu, et j'ai envie de faire partager cette curiosité là et cet espace-là. C'est emmener les gens dans un univers qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. C'est un peu ça aussi une émission réussie, c'est de se dire voilà, c'est venez avec moi, je vous emmène et passez une demi-heure avec moi du début à la fin. Ça, c'est une émission qui est réussie, du coup, quand on arrive à capter l'auditeur. Exactement. Ouvrez vos chakras, laissez-vous aller, écoutez, et vous aimez pas. Moi, j'essaye de proposer une couleur musicale. J'essaye de pas trop dénoter. Je me trouve plus posé qu'avant dans certaines émissions, un peu moins foufou. Et côté musique, un petit peu ça part un petit peu moins dans tous les sens, en tout cas je l'espère. Et j'essaie vraiment de proposer l'émission. Je la vois souvent comme ça, la plupart du temps je la prépare la veille pour le lendemain, parce que c'est mes coups de cœur du moment, des choses que j'écoute sur mon MP3, que j'écoute en boucle à la maison, ou que j'ai redécouvert parce que j'ai mis l'aléatoire, et tout d'un coup je tombe là-dessus, je dis ah ouais, c'est quand même très sympa. Et puis je vais fouiller aussi dans mes vinyles et j'en encode quelques-uns, ce qui fait que ça me permet de pouvoir lancer ma phrase préférée: c'est du vinyle donc ça craque. Et ça, c'est juste un plaisir de pouvoir remettre un petit coup de 45 tours, 33 tours, une fois de temps en temps. On l'a déjà fait avec Jean-Michel Karadec il y a pas longtemps, on l'a fait avec un petit coup. C'est l'authenticité aussi qui te plaît dans ce support-là. Tout à fait, il y a un souffle. Et il y a Il y a une émotion qu'on ne ressent pas du tout, qu'on ressentait déjà pas avec le CD, parce que le CD s'usait beaucoup plus vite que le vinyle. Le MP3, c'est indestructible, mais c'est pas la même chose. On se retrouve avec un son qui est plus métallique, alors que le vinyle, c'est chaud, et on a des choses très, très différentes. On sent bien la passion, Gaël. Donc, si vous avez envie de vous laisser emmener, emporter, comme ça, dans un univers que vous n'avez peut-être pas plus l'habitude, en tout cas, de découvrir, hein, auquel vous n'êtes plus attentif, et ben, vraiment rendez-vous à 17h30 tous les jeudis pour Face Bis. Alors, tu nous parles de chanteurs ou d'artistes qui te tiennent à cœur, qui sont peut-être plus au top du top aujourd'hui. Et un des artistes que tu aimes particulièrement, c'est Julien Clerc. Oui, je suis un peu par salve côté des artistes, mais Julien Clerc est toujours là avec cette chanson-là, par exemple, qui s'appelle Jivaro Song, que moi j'ai découverte en live à l'Opéra Garnier en 2012. J'ai eu le plaisir de gagner des places sur une radio concurrente, mais néanmoins concurrente, dont on a parlé tout à l'heure. Et amis, peut-être. Bien sûr. On embrasse nos amis luxembourgeois. Exactement. Et tu as gagné tes places. Donc, j'ai gagné mes places. Opéra Garnier. C'est formidable, on y est allé. Et puis, on a pris plein la figure. Et surtout, avec les chansons connues, évidemment, mais avec des chansons, là aussi, pas forcément super connues, qu'on avait oubliées. Jivaro Song, je trouve qu'il y a quelque chose de profond, véritablement, dans cette interprétation. Et je ne l'ai pas forcément fait exprès, mais la deuxième, c'est un peu le même problème. C'est très désespéré. Je trouve dans les paroles, et j'aime beaucoup ça, parce que la chanson, c'est pas que de la musique, c'est aussi du texte. Ça, c'est Étienne Rodagil, et ça me transporte. Jivaro, Jivaro, vide vite mon cerveau. Oh, jusqu'à 19h30, c'est Made in Fadjet, l'émission des émissions de Fadjet. Made in Fadjet. C'est Fesbis, l'émission qui est mise à l'honneur dans Made in Fadjet ce soir, et c'est Gaël qui est mon invité et qui est l'animateur de Fesbis. Alors, Julien Clerc, on vient de l'écouter à l'instant, donc c'est ce style-là qu'on peut retrouver, Julien Clerc et plein d'autres artistes méconnus, ou en tout cas avec leurs chansons un peu moins connues que leur tube. C'est ça, en fait, le concept de Fesbis. Exactement, c'est des trouvailles. C'est des trouvailles. Et plus concrètement, comment se déroule ta demi-heure d'émission ? Alors, sur la demi-heure d'émission, je travaille la plupart du temps à peu près toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a un petit bonjour, la chanson de lancement qui me paraît très importante, et la plupart du temps j'essaie de trouver quelque chose d'un peu péchu, mais pas forcément quelque chose sur lequel je vais revenir forcément beaucoup juste après, juste les références d'albums, et ensuite j'enchaîne avec 5 autres titres qui sont tous chroniqués. Donc je fais des quelques recherches internet quand il y en a besoin, et donc j'écris mes textes tranquillement, souvent le mercredi matin, pour l'émission jeudi, le jeudi après-midi, en essayant de trouver quelques petites anecdotes, et puis surtout, et c'est ça qui est très agréable, de pouvoir donner mon avis sur les chansons que je passe, sans dire c'est bien, il faut absolument écouter, si je la passe c'est que ça me plaît, mais je dis bah voilà, moi ça me fait tel ou tel effet. C'est, tu partages des émotions aussi. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à faire. C'est d'arriver à partager une émotion sur une chanson. J'y vais et puis d'essayer surtout d'être, on va dire, concis. J'y vais au song, je peux en faire 4 heures dessus. Donc, oui, parce que ça te touche, toi. Et effectivement, l'objectif, c'est de convaincre peut-être des personnes qui seraient moins touchées par ce style de chanson. Hein, de faire découvrir aussi un petit peu l'essence d'une musique et l'essence d'un texte. C'est ce que tu disais aussi. Exactement. Les paroles sont vraiment importantes. Et tu nous disais à l'instant aussi, on apprend des choses aussi en écoutant l'émission, parce que tu vas un petit peu effectivement commenter les chansons, donner quelques infos sur l'artiste, sur la conception de la chanson, d'un album. Voilà, donc ça, c'est pas que de la musique, non. On peut aussi apprendre des choses. Non, j'essaye d'effectivement retracer un petit peu la carrière de l'artiste au moment où est sortie la chanson. J'ai déjà passé Julien Clerc, par exemple, sur l'album Femme Indiscrétion Blasphème, où je reviens un petit peu sur le début des années 80 de Julien Clerc, changement de maison de disque et ainsi de suite. J'essaye de trouver un angle, à chaque fois un petit angle d'attaque. Les deux obligations pour passer une chanson à l'antenne, c'est d'une part l'angle d'attaque, parce que si j'ai rien, ben, j'ai avoir du mal à écrire mes 15 lignes de texte sur la chanson, et puis d'autre part, la grosse envie de la passer, parce que c'est pas une chanson qui me touche, je vais avoir du mal, c'est peut-être des fulgurances, et ça me prend à n'importe quel moment dans la semaine. Là, en te parlant, par exemple, je pense à une chanson de C. Jérôme qui s'appelle Hasard Bizarre, qui a strictement rien à voir avec son style, et tout d'un coup, j'ai envie de la passer. Faut que je pense à la caser dans une émission. Pour le prochain Fesbis. Ouais, je pense. Donc, voilà. Ça peut être sympa. Donc, effectivement, on voit bien que ça part d'une passion et d'une envie de faire découvrir des choses, cette émission. Tout à fait. Voilà, donc c'est Fesbis, c'est tous les jeudis, 17h30, 18h. Alors, comme la majorité des animateurs de Fadjet, tu es bénévole, c'est oui. Une radio associative. Tu fais quoi en dehors de la radio ? Je suis enseignant, je suis professeur de lettres-histoire en lycée professionnel. Et je suis en ce moment donc à Raon-l'Étape au lycée Louis Gessler. J'ai beaucoup voyagé, ce qui fait que ça m'a un petit peu éloigné de la radio pendant quelques temps. J'étais sur l'Académie de Créteil pendant quelques années, j'étais sur l'Académie de Reims. Et donc là, je reviens au Bercail, ce qui était un petit peu mon but. C'est pour ça qu'on te retrouve cette saison sur l'antenne de Fadjet. C'est pour ça que j'ai le plaisir de revenir. Et dans mon métier, j'essaye aussi, ça peut paraître surprenant, j'essaye aussi de faire le pont entre tout ce qui peut être la littérature classique dans mon métier de professeur de français avec la chanson. D'autant plus qu'au bac et au BEP intermédiaire, de plus en plus, ce sont des chansons qui sortent, puisque il y a 4-5 ans, au BEP intermédiaire, c'était Nougaro et Moustaki qui étaient croisés sur un sujet. Il y a 2 ans de ça, ça avait beaucoup fait polémique, c'était Goldman avec Là-bas qui était sorti. Et je trouve que c'est une magnifique porte d'entrée pour essayer de s'intéresser à autre chose après, pour se dire, ah oui, ça c'est simple à comprendre, on peut peut-être aller plus loin. On peut croiser sur l'idée des souvenirs. souvenirs. Par exemple, on peut croiser, je sais pas moi, du Johnny. Mm-hmm. Bon, j'irai pas jusque là quand même, hein, faut pas exagérer, mais on pourrait croiser ça avec les Confessions de Rousseau. D'accord. Je fais le grand écart facial. Oui. Mais il faut être prof hein, pour faire le lien entre les deux. C'est nous expliquera dans une autre émission de voilà. Made in Fadjet. Mais en même temps, effectivement, là, on comprend bien encore ta passion pour la musique que tu essayes de transmettre aussi à travers ton métier de prof, ouais. Hein, d'histoire géo. Donc ça, c'est quand même là aussi un exercice qui est, à mon avis, pas tous les jours simple. Oh, non. Peut-être aussi en lycée professionnel, hein, c'est aussi peut-être trouver les petits prétextes qui vont intéresser les jeunes. Et ça peut en être un. La musique est quand même un centre d'intérêt pour les jeunes aujourd'hui. Et du coup, peut-être que l'histoire géo l'est un peu moins. Ou la littérature. L'histoire géo, oui, l'est beaucoup ouais. moins. On a plus de mal en histoire géo qu'en français, mm-hmm. la plupart du temps, parce que l'histoire géo a été un petit peu... malmené, on va dire, en lycée, mmh. En lycée professionnel, à moins de place. Mmh. Sur le français, on peut arriver à les raccrocher sur des choses comme ça, et sur la musique, et par exemple sur la radio, puisque tu es bien placé, puisqu'on va, on va accueillir des élèves de seconde dans les studios dans pas longtemps. Des élèves ils sont à en toi. Projet. Voilà, mmh, tout effectivement. À fait. Donc, du coup, la radio et le métier de prof, c'est pas si éloigné que ça, en fait. Non. Ton non. émission, en tout cas, est le métier de prof. On est des orateurs, en fait. Mmh. On mmh. est des orateurs, on doit poser sa voix, on doit les intéresser, on doit capter l'auditeur quelque part, et on doit croire à ce qu'on dit. Et ça, c'est hyper important. On doit, pour capter, que ce soit un élève ou que ce soit un auditeur, mais on est bien sûr dans des conditions tout à fait différentes, mais ça revient au même, on va capter l'attention et on va intéresser. Et le but, mmh. c'est vraiment de les amener à toi pour qu'ils décrochent pas et pour qu'ils aient envie de connaître la suite, en fait, mmh. de comprendre, en histoire géo, c'est encore plus ça, de comprendre ce qui va arriver après, et de pas avoir l'envie de décrocher et de vouloir faire autre chose, d'aller regarder son portable, d'aller tripatouiller dans sa trousse, de discuter avec le voisin. Et ben, moi, c'est pareil, l'idée, c'est que vous n'ayez pas la tentation de toucher au bouton. Donc voilà, donc c'est un petit peu deux arts un peu différents mais qui sont proches l'un de l'autre. Ouais, et toi, ça te permet de souffler aussi un peu oh la radio. Oui. Oh que oui, ouais. Parce que c'est pas facile plénitude. Le métier de prof hein, tous les jours. Non, c'est fatigant et c'est vrai que moi la petite demi-heure qui est un peu plus que ça puisqu'on se voit, on se croise souvent avant, on se croise un peu après hors antenne mmh. et cette petite demi-heure là. Ça me détend vraiment, c'est hyper agréable. J'avais une amie qui est venue il y a pas longtemps assister à l'émission et elle remarquait que j'avais une espèce de tic d'une part les mains, mais je crois que ça tu l'as vu, et d'autre part je bats énormément du pied, et plus l'émission passe plus ça disparaît. Je me détends mm-hmm. parce qu'effectivement une semaine de boulot, l'enseignement c'est pas que 18 heures, c'est tout ce qui est à côté, c'est bien 40-45 heures par mm-hmm. semaine, et c'est crevant, et c'est vrai que ce petit intermède fait énormément de bien mm-hmm. et permet de se détendre. Et puis moi j'ai le plaisir aussi de faire parole d'outre-mur par exemple le dimanche soir à destination des personnes détenues, effectivement. Exactement, et ça fait du bien. Ouais, donc la radio, outil de relaxation. Ça, voilà. C'est un concept aussi. C'est ça. Mais en même temps, ce qui est sympa, c'est que peut-être que toi, tu te détends, mais c'est l'objectif, c'est aussi de détendre les auditeurs, puisque c'est 17h30, hein, on le redit, hein, l'horaire. Le jeudi, en général, on sort du boulot, et ça peut être vraiment une bonne occasion pour nos auditeurs aussi de se détendre. Oui, c'est la relaxation par la chanson qu'on connaît pas, et par la curiosité, par l'envie de se dire tiens, j'ai envie de m'ouvrir l'esprit et de faire tout à fait autre chose pendant une demi-heure, de me laisser aller à la curiosité, ça fait du bien. Eh ben, laissez-vous aller à la curiosité, rendez-vous jeudi 17h30 pour Face Bis avec Gaëlle. Merci d'avoir Merci accepté Fabienne. Mon invitation dans Made in Fadjet. Bonne continuation et bonne soirée à vous.